Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, l'heure des loups change de profil, en tout cas pour le vendredi. Le vendredi soir sera désormais consacré aux sorties, donc sorties, expositions, événements sportifs, voire plus. Je vous laisse tout ce calendrier des sorties, mais je me permets quand même de dire aux auditeurs que c'est une première. Donc je m'excuse par avance si ce n'est pas parfait, mais ça ne promet d'être que mieux pour les fois suivantes. Donc ce billet de sortie est un condensé des différents événements qu'il y a dans le secteur, avec bien entendu des fauneurs, vu que parfois c'est bien d'avoir les infos à la source sur les différents événements que j'annonce. On commence vendredi, donc ce soir, bien entendu, au centre Léo Lagrange à Épinal, à 21h, aura lieu leur printemps de la chanson. Toujours à Épinal, dans les rues piétonnes, cette fois, vous aurez l'occasion de participer à la Fashion Night. Donc, comme d'habitude, différents défilés, différentes animations, des artisans et des magasins qui laissent leurs portes ouvertes. Vous aurez l'occasion d'écouter deux concerts. Et pour ceux qui se souviennent de mon invité d'hier soir, Magic Cecily sera dans les rues d'Épinal pour la Fashion Night. On ne s'éloigne toujours pas beaucoup du secteur d'Épinal, on va à Golbès cette fois, au complexe L'Artiste, car à 21h aura lieu le One Woman Show de l'artiste rare. Il y a la possibilité d'un accès pour les personnes à mobilité réduite et le tarif d'entrée est de 10€. On se rapproche tout doucement de Remiremont. Ce soir a lieu un apéro pédalo au lac de Bouzet, à la plage des Américains à Chaumousset. Donc emmenez vos sets de plage et vos jeux aussi. C'est gratuit et ouvert à tous et l'ambiance est à la bonne humeur. Toujours à Remiremont a lieu cette fois tout le week-end une série de concerts pour l'événement Solimat pour la protection de la maternité de Remiremont et j'ai pour cela eu Mustapha Aïtala de Airplay en fauneur. Je vous laisse l'écouter. Et ce week-end, comme je viens de le dire à l'instant, à Remiremont aura lieu un concert, un événement Solimat. Et dans l'organisation, bien sûr, il y a Mustapha Aïtala de l'association Airplay qui est avec moi en fauneur. Bonjour Mousse. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'événement ? Bon, je pense qu'on n'a peut-être pas spécialement besoin de revenir sur le pourquoi, vu que je pense que c'est de notoriété publique que la maternité de Remiremont est toujours en danger. Donc, c'est bien ça, hein. Oui, je pense que les auditeurs le savent très bien. Par contre, le concert, enfin l'événement, ça se passe comment? Déjà, c'est sur tout le week-end, donc du... Donc, c'est sur tout le week-end ce soir, donc à partir de 19h. Donc, on aura l'ouverture donc, du Solimat avec un groupe qui s'appelle Éclat de Voix. Et ensuite, donc, on aura donc le maire qui va également parler un peu du... qui va ouvrir le Solimat avec oui. un discours. Et par la suite, nous allons avoir un grand débat ce soir à partir de 20h, donc avec donc les députés, les personnels, les infirmières, tout le milieu hospitalier pour pouvoir débattre de la maternité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la maternité qui est en danger, c'est l'hôpital entier. Oui. Là, il faut le savoir que c'est un combat pour l'hôpital. Et aujourd'hui, ce n'est plus la maternité, c'est tout l'hôpital. Ah oui, carrément, c'est tout le complexe hospitalier. Mais encore une fois, c'est une question de coût budgétaire et de sous comme l'histoire de la maternité. Moi, je suis comme vous. Ce soir, je serai au débat. Oui. Donc, pour comprendre, c'est bien que tu me poses cette question-là parce que voilà. Nous, les citoyens, on est toujours pris, on apprend toujours tout par la presse, on ne sait pas où on va. Des fois, c'est sauvé, c'est pas sauvé, c'est reporté en 2020, j'entends. Donc, ce soir, je pense que, voilà, ceux qui veulent vraiment connaître le fond un peu du problème, il faut venir ce soir. Et tout le week-end servira également à ces échanges, sachant qu'il va y avoir aussi des tables rondes tout le week-end. Et nous, en tant qu'association RT, tout le monde nous connaît dans le milieu culturel de la musique. Bien entendu. On a donc investi avec tous nos artistes qui sont venus, donc, qui viennent de loin, et toute la région également de Lyon, Montpellier, pour donner un coup de main donc artistique. Donc ce sera un marathon de concert de 2 jours, demain et après-demain, à partir de 14h jusqu'à 1h du matin. Et également, comme moi je suis organisateur, je fais partie de l'équipe du FestiLac, donc je suis programmateur. J'ai mis également le tremplin FestiLac dans cet événement-là pour avoir une qualité également artistique. Oui, donc pour aussi avoir un entrain culturel, j'imagine. Voilà. Donc les artistes, je leur ai demandé si ça leur posait pas problème. Ils m'ont dit, au contraire, c'est une cause qui leur parle, car il y a beaucoup qui sont papa et maman dans les groupes. Et donc ils ont dit, au contraire, on sera là ce soir, tout le week-end, pour donner de la force à la maternité et à l'hôpital, quoi. Oui, en effet, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment tout le complexe qui est en danger. Donc, s'il n'y a plus d'hôpital, on va devoir aller jusqu'à Épinal ou jusqu'à Tannes, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, moi, ça me parle. Hein. Mes enfants sont nés là. Ma mère a mis 5 enfants aussi au monde là. Donc, voilà, on est tous liés à cet hôpital. Maintenant, voilà, on fait les choses, comme je dis, jusqu'à le départ, c'est une initiative des infirmières, de certains membres du personnel. De créer ce Solimat. Donc moi j'ai envie de dire que j'ai contribué simplement à mettre en place, mais également que par cette cause-là je suis lié à l'hôpital d'Armermont parce que je suis né à Armermont également. Comment on peut le redonner? Et ben c'est d'une manière comme ça, voilà, de se retrouver et d'en discuter. Oui, et d'ailleurs, tu viens de dire quelque chose qui a un petit peu titillé ma curiosité. Si j'ai bien compris, tous les Romarimontains et même au-delà, tous ceux qui sont plus ou moins proches de l'hôpital militent en fait pour la protection de ce centre hospitalier. Ah bah oui, c'est normal, quoi. C'est à un moment donné, si on perd l'hôpital, moi je l'ai toujours dit clairement, hein, si on perd l'hôpital d'Amamon, on va perdre énormément également même dans tous les domaines. Un hôpital, ça c'est quand même, c'est rassurant pour tout le monde. Moi, je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas, j'en parlais l'autre jour avec une personne, voilà, quand on va aux urgences, on est bien content de les trouver, on est bien content quand moi, mes enfants, quand ils sont malades, je suis bien content de les ramener. Alors, à Armermont, alors, si je me dis, je dois monter ce qui pilane également, voilà, quoi, c'est, il faut aussi savoir leur rendre aussi, donc, il faut être présent et les soutenir. Oui, bien entendu. J'ai toujours dit, ça va dans les deux sens, donc il faut être là, quoi. Donc moi, nous, on a mis ça en place, maintenant, les gens qui clairement sont foutus de l'hôpital, voilà, peut-être que ça leur parlera pas, mais le jour que ça, si ça part à l'hôpital, ils vont se dire, putain, merde, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Bon, faut être là, quoi. À un moment donné, moi, je suis cash, quoi. Je parle direct. Et tu as bien raison. Voilà, je suis direct et voilà, et j'espère que les gens, voilà, ne c'est pas quand les choses deviennent dégradables, tout est dégradé, qu'on commence à se lever. Bien Il y a des entendu. combats à mener avant, il faut être là. Et pour ceux qui ont peut-être envie de connaître un petit peu le détail des événements, donc tu m'as dit il y a des tables rondes, il y a des concerts, mais on va découper un petit peu journée par journée. Déjà vendredi ce soir, qu'est-ce qui se passe? Donc ce soir, tout simplement, c'est donc il y aura l'ouverture officielle par Jean Ingré à 20, par le maire Jean Ingré à 20h. Également, on a un groupe en ouverture à 19h30, donc c'est Éclat de voix. Donc Éclat de voix, c'est un groupe de 18 chanteurs amateurs dirigé par Hélène Lejal. Oui. C'est super beau à voir. Et donc par la suite, il y a donc le débat, donc ça s'appelle un cri pour la vie, maternité et hôpital en danger, pourquoi? Donc c'est préparé et animé par Michel Anthony, vice-président de la CDHNP, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux, de maternité, de proximité. Voilà. Et Jean Tisserand, vice-président de la CADEMAT. Donc voilà, ça c'est ce soir. Oui. Et donc voilà, tout le monde est invité à s'exprimer, que ce soit voilà, citoyen, personnel, directeur, voilà, tout le monde est là. Donc voilà. Passons maintenant à samedi. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Samedi, on ouvre à 14h. 14h, on ouvre donc le palais des congrès, donc c'est pas vraiment le palais des congrès. S'il fait beau, donc de toute façon, on a deux scènes. On a une scène qui est dehors, donc qui pourra accueillir des groupes. Il y aura des stands. Il y aura donc le Club des Zincs, c'est un groupe du coin dans les Vosges, qui va ouvrir donc demain à 14h. Il y aura Décan Crew, Cosmos, c'est tous les groupes du coin, DJ White, DJ Sai, Frère MK, Hugo, Clems, Marie, Kovar. Il y aura aussi du Graff avec Cover One. Donc il y a plein de stands d'animation et de concerts toute l'après-midi. Les tables rondes demain à 15h donc sur la maladie de Lyme. Oui. Donc ça c'est très très très important, vraiment, il faut vraiment en parler. Bien Et entendu, surtout le beau temps revient, donc il faut bien entendu savoir à nouveau les risques qu'on encourt avec l'éthique. voilà, donc c'est demain à 15h. Table ronde sur la maladie de Lyme. À 17h, les tables rondes sur les déserts médicaux et centres de santé. Et donc à partir de 20h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, il y aura donc les tremplins du Festilac, donc avec des groupes qui nous viennent de toute la région, Strasbourg avec Indica, Lion Size qui vient de Mulhouse, Remontada c'est de Remiremont, Papa Rouge de Nancy, DJ Seto Grotti, oui, il vient de Nancy. Et donc voilà, ça c'est demain. Donc les concerts c'est jusqu'à 1h du matin. Donc vous voyez, c'est de 14h à 1h du matin, vous pouvez venir soutenir la maternité et Oui, l'hôpital. ah Vous voyez? il y a vraiment une après-midi conséquente. Et dis-moi, pour les concerts, l'entrée est gratuite ou elle est Tout est payante? gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Tout est gratuit. On a fait en sorte que, voilà, que ça reste quelque chose de militant et non pas de, voilà, qu'on vienne en famille, qu'on vienne soutenir. Donc, les artistes ont joué le jeu. Je joue le jeu et tout le monde joue le jeu parce que, voilà, à un moment donné, il faut se battre, quoi. Et dimanche, donc, ben, c'est pareil, hein. À partir de 14h, il y aura aussi des concerts. Donc, des Décal Crew, voilà, il y aura plein de groupes, en fait, tout. Jusqu'à 17h, il y a une table ronde également, qui s'appelle la maternité Romary Montaigne et sa maison de naissance, car il y a une maison de naissance à Remiremont, il faut le Oui. savoir. Et voilà, donc le soir, pareil, rebelote, des concerts de 20h jusqu'à 1h du matin, dans le cadre du Tremplin Festival. Donc voilà, c'est un marathon, j'appelle ça un marathon. Mais tu as raison. Voilà, c'est un marathon d'artistes qui tourne pour une belle cause et également, voilà. Simplement, la présence de chacun est importante. Bon, écoute, j'imagine que les auditeurs ont noté toutes les choses importantes. Je te remercie beaucoup pour ta contribution Merci à toi, Lou. Merci beaucoup je de t'en m'avoir prie. invité. Et puis, bon courage pour ce week-end, hein. On pense fort à Merci. toi. À bientôt. Ciao, À bientôt, Mousse. Ciao. ciao. On passe à samedi cette fois, on va commencer par les concerts. No One is Innocent sera en concert à la Souris Verte à 21h pour ceux qui se souviennent de l'émission que j'ai faite mercredi si je ne m'abuse. Donc ils sont là pour la tournée promotionnelle de leur nouvel album Frankenstein. Toujours dans les concerts, à l'Estaminet à Vanier, vous aurez l'occasion d'écouter à 20h un artiste intitulé DJ Bambou. on ne s'éloigne pas du secteur avec le concert La Petite Sœur et Raymond Court Tout Seul au café Le Poterlaca à Saint-Amé. Mais pour ceux qui ont envie de savoir ce qu'il y a d'autre, autre chose que des concerts samedi, on va commencer par un loto au Centre culturel d'Éloie, organisé par l'Amicale des résidents de la maison de retraite d'Éloie. L'ouverture des portes se fait à 19h et le tarif d'entrée est à partir de 4€. Autre événement de plus longue haleine, à partir du 19 et jusqu'au 25 mai, commencent les défis du bois 3.0. 50 ingénieurs et architectes du bois ont une semaine pour construire 10 micro-architectures en bois. Pour plus d'informations, ça se passe sur le site défidubois.fr. Donc à Golbey, à partir du 17, mais bien entendu demain, a lieu un vernissage pour une exposition à la peinture à l'huile. 11 artistes présentent leurs œuvres et le tarif est gratuit bien entendu et les portes sont ouvertes de 10h à midi et de 14h à 18h30. Ça se passera à la salle Barbelouse à la place Jean Alemany à Golbey. Autre événement d'une autre importance, bien entendu, samedi matin, le mouvement pour la paix, a organisé une action de solidarité avec les Palestiniens et j'ai pour cela eu Pierre-Olivier Poyard au téléphone qui nous explique comment ça se passe. Ce samedi 19 mai, le Mouvement de la Paix organise une action de solidarité avec les Palestiniens. Et pour en savoir plus sur ces événements, j'ai Pierre-Olivier Poyard, du Mouvement de la Paix, qui est avec nous pour en parler. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cet événement qui aura lieu à Épinal, c'est ça ? Oui, alors... Suite à ce qui s'est passé en Palestine, en Israël, lundi, et puis suite à ce qui s'y passe depuis plusieurs semaines, donc on a décidé avec les responsables du mouvement de la paix au niveau du département de sortir et de manifester parce que la situation est tellement grave qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. Et en quoi ça va consister ? Donc c'est une manifestation ? Oui, donc on va se réunir samedi à 10h30 devant le marché couvert à Épinal. Et on essaie de rassembler le plus de monde possible. Ce qui se passe actuellement en Palestine, en Israël, est extrêmement grave. Lundi, une soixantaine de personnes ont été tuées. Il y avait à peu près 35-40 000 personnes qui manifestaient pacifiquement aux abords d'un checkpoint dans la bande de Gaza. Donc c'était des manifestants pacifiques, non armés, et l'armée israélienne a tiré dans le tas, quoi, tout simplement. 60 personnes sont mortes, plus, parce que il y a eu plusieurs milliers de blessés, plus de 2000 blessés. Donc ça, c'est une situation qui atteint des proportions vraiment gravissimes. Oui, et comme tu l'as dit, c'est aussi pour soutenir les victimes de ces événements en Palestine, bien entendu, sur ces horribles massacres. Tu as dit 2000 blessés au moins, combien de morts ? 60, mais parmi les blessés, certains sont dans des situations critiques. et le bilan ne cesse de s'alourdir en fait depuis lundi. Et dis-moi donc, tu as dit vous serez à 10h30 au marché couvert. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une manifestation pacifiste? Vous allez vous promener dans les rues en scandant des slogans avec des pancartes? Vous allez faire un ciné-débat? Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça durera à peu près une heure. Donc on se rassemble devant le marché, on va distribuer le communiqué de presse du mouvement de la paix. Qui demande que le droit international soit enfin respecté. Oui. Parce que Israël est un État qui ne respecte pas le droit international. Bon, c'est pas le seul. Mais le problème, c'est que ça dure depuis 40 ans. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux auditeurs en quoi l'État d'Israël ne respecte pas le droit international, comme tu viens de le dire? En fait, en 1967, il y a eu une guerre entre Israël et les États arabes qui l'environne, et depuis cette guerre, Israël occupe illégalement la partie est de Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il y a eu un processus de paix au milieu des années 90, et en fait ce processus de paix s'est arrêté parce que le gouvernement israélien ne respecte pas ses engagements, et le premier de ses engagements c'était de mettre fin à la colonisation et de garantir la constitution d'un État palestinien sur les frontières de 1967, et le gouvernement israélien ne respecte pas ces résolutions. Il y a une résolution, plusieurs résolutions de l'ONU depuis 40 ans, et le gouvernement israélien, depuis 50 ans, en fait, 67, ça fait 50 ans. Donc le gouvernement israélien ne respecte pas ces résolutions de l'ONU, quoi. En effet, les affrontements continuent, mais ça, c'est malheureux, mais tout le monde connaît de nom les affrontements entre Israéliens et Palestiniens, j'imagine pour l'occupation du territoire de Jérusalem, et je vais pas donner de nom de pays, parce que sinon, je sais pas s'il y a un nom clair pour le pays qui est en conflit en ce moment. C'est la Palestine. D'accord, donc c'est la Palestine. Le problème, c'est que dans une partie des médias occidentaux, la situation est présentée de manière vraiment partiale, parce que le Hamas est une organisation, on va dire islamiste, certes. Il est très actif dans ses manifestations. Mais en fait, la situation est inédite parce que ces manifestations sont à l'initiative non pas du Hamas tout seul et lui-même, elles sont à l'initiative de vraiment de la société civile palestinienne, avec le soutien des pacifistes israéliens, bien entendu. Et donc, ce sont des organisations, des associations, des syndicats qui n'ont jamais appelé à des actes terroristes, n'ont jamais été des organisations terroristes, et sont des manifestations totalement pacifistes. Donc l'armée israélienne, en fait, tire pour tuer des pacifistes, des gens qui manifestent en famille, qui manifestent pacifiquement, et c'est pire que ça, parce que les armes qui sont utilisées par l'armée israélienne sont des armes qui sont interdites déjà en temps de guerre. Il s'agit de munitions explosives, et donc il est avéré par les équipes d'organisations médicales qui sont sur le terrain que les soldats israéliens tirent dans les jambes des manifestants, et les plusieurs milliers de manifestants qui ont été blessés sont des blessures très graves qui nécessiteront des amputations. Donc c'est vraiment une volonté de commettre des crimes contre... On parle de crimes de guerre, on pourrait aussi parler de crimes contre l'humanité, quoi. Bien entendu, ça se comprend, et c'est pourquoi le mouvement de la paix se trouvera donc ce samedi 19 mai à 10h30 devant le marché couvert. Pendant une heure, vous allez distribuer le journal du mouvement de la paix pour comprendre un petit peu plus, mais en effet pour rappeler aussi à quel point ce qui s'est passé lundi en État de Palestine est grave. J'imagine que ce sera aussi l'occasion pour les auditeurs de vous rencontrer et de discuter avec vous. Vous êtes combien d'organisateurs? Ben, on a lancé ça avec le mouvement de la paix parce que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre en place dans le département le collectif En Marche pour la paix, qui comprend 150 organisations au niveau national. Ah oui. Donc on n'a pas encore réussi à faire que ces organisations locales, que les organisations locales qui sont les organisations locales et les organisations nationales, eh ben, puissent composer un comité En Marche pour la paix dans le département. Donc, pour l'instant, on est toujours les seuls à appeler. Donc dans ce collectif En Marche pour la paix, il y a des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations chrétiennes. Voilà. Bon bah écoute Pierre-Olivier, est-ce que tu aurais peut-être d'autres informations que j'aurais omis de te demander à ajouter pour nos auditeurs ? Non. Très bien, bon bah écoute, je te remercie et bah, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est samedi à 10h30 devant le marché couvert d'Épinal. J'imagine que ce sera l'occasion d'avoir des discussions très intéressantes avec vous pour en savoir plus sur la situation de la paix dans le monde. Et puis de toute façon, Pierre-Olivier, on se reverra bientôt à l'antenne. Alors je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne manifestation. Merci, au revoir. Au revoir. Pour ceux qui veulent le savoir aussi, le samedi, c'est la nuit des musées, la nuit européenne des musées même. Plusieurs musées ouvrent leurs portes tardivement et gratuitement pour tout le monde. Pour ceux qui veulent savoir quels musées ont leurs portes ouvertes, je vous invite à aller sur le site nuitdesmusées.culturecommunication.gouv. Mais entre autres, parmi tous ces musées, il y a le musée des Hautes Mines du Tillau et Vincent nous en a fait une petite émission. Une animation exceptionnel ce samedi 19 mai à partir de 17h jusqu'à la nuit de la mine, avec l'auberge des mineurs, repas boissons, des animations théâtrales et musicales, de la fonderie, de la sculpture, du travail du bois, forge, papier, plantes médicinales, entrée libre. Rendez-vous à partir de 17h sur le parking de la mine, extinction des feux, donc à minuit. Alors, à partir de 17h, une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Tillau. Et, dernière arrivée conseillée, 22h, la première, 17h, je l'ai dit. Animation théâtrale et musicale. Eh bien, les mineurs du XVIIe siècle viennent vous raconter leurs aventures, leur travail et leur vie au village des mineurs. Ils sont accompagnés par des musiques et des chants traditionnels, notamment Alice Villemain, Marc Allieri et Christophe Toussaint. Simon Delétang, ce qui est très nouveau dans cette année, directeur du Théâtre du Peuple, lira des extraits, 4 extraits, je crois, de 10 minutes, à partir de, je pense, 19h30, ça sera précisé sur les lieux, et puis aussi à 20h30, à 21h30 et 22h. Donc des extraits de « C'est ainsi que les hommes vivent » de Pierre Pelot, œuvre magistrale de 1200 pages, consacrée effectivement à la guerre de 30 ans, notamment aux mines et avec des rebonds dans les temps modernes. Recréé, donc ma troupe présentera en 5 tableaux itinérants, un peu plus, 6 me semble, là on verra, un texte de moi-même qui s'appelle « Eldorado », qui entraînera les spectateurs dans le monde imaginaire, mystique et symbolique de la mine. J'y reviens tout à l'heure. Et le futur duc Charles IV viendra rendre visite à ces mines à cheval, et les chauves-souris seront aussi évoquées avec un conte, ah mais oui, de Philippe Poisson. Démonstration de métier. Forge, percement de tuyaux, fabrication d'une pompe hydraulique à bras, sillage de long, essie, taille de charpente à la hâte, fonte et sculpture de bronze, c'est Frédéric Durand notamment, tandis que le reste c'était les Atatos, fabrication de papier, des fleurs, de fleurs et feuilles, c'est un groupe de Hudson qui fait cela, plantes médicinales. Pour les enfants, jeux anciens et costumes, illumination des anciennes mines avec des feux, des torches, des bougies et des lampes à suif, comme dans le temps. Visite guidée de la mine de la Rouge Montagne de Saint-Charles, oui, parce qu'en effet, il y a un nouveau circuit. Donc, participation, justement, je l'ai dit déjà, le Théâtre du Peuple, Léa Tatos, recrée, Christophe Toussaint, Marc Alieri, Alice Villemain, Après la pluie, c'est un autre groupe, je pense que c'est Marc Alieri et Alice Villemain, Robert Greuzet, Frédéric Durand, l'atelier couture et patchwork de Bussan, Nicole Elie, Saperly Cueillette, et c'est de en parler, le Clausel, et bien sûr les hautes mines. Le Clausel, c'est les chevaux. Voilà, je rentre un peu dans le détail de la pièce, puisque je l'ai écrite, ça sera la première édition, mais en fait, c'est la suite d'une pièce qu'on a déjà donnée aux mines, il y a 4 ans, et aux mines et ailleurs, et notamment au lac de Blanche-Mer, qui s'appelait Chemin de Lisière. Alors là, c'était une pièce qui était un parcours avec effectivement des musiciens comme Christophe Toussaint. Là, la suite de ce Chemin de Lisière, c'est Chemin de Lisière 2, Eldorado, ou à la recherche des mines perdues. Recréé offre 4 ans après Chemin de Lisière la suite de cette histoire et de ce parcours. Il s'agissait alors, il y a 4 ans, sur des chemins énigmatiques du voyage en errance de 3 personnages essentiels, une fille et un gars en dérive, un vieux sortier étrange. Dans Eldorado, ces personnages se retrouvent à la recherche des mines perdues, ce qui les amène à explorer divers filons, entre guillemets filons, au cœur d'un univers post-moderne désenchanté, peuplé d'humains, burlesques ou déglingués. Mines perdues qui sont aussi les mines de l'imaginaire, de la poésie ardente, lutte qui amène nos personnages à attaquer, à la Don Quichotte, des centrales nucléaires, pas moins, des usines crachant la mort. Combat auquel se mêle un ennemi ou un recours, les êtres mythiques surgissent de l'autre côté du miroir, du profond de la terre ou de la légende, guerrières, sauvages, nymphes de mort, déesses et dieux même. La route amène le groupe au bord d'un grand fleuve qu'il va remonter à travers. À l'envers plutôt, sur un bateau ou un radeau ivre. Oui, le fleuve coulait à l'envers, c'est pas mal ça. Voyage à la lisière du réel et de l'imaginaire vers la source, l'Eldorado, pays de l'or fabuleux, qui en fait a écho avec les mines de l'autre côté de Château-Lambert, puisque c'était les mines du roi d'Espagne. Donc il y a une relation entre l'Eldorado lointain de l'Amérique, l'Amazone que l'on remonte, et la Moselle en quelque sorte, et Château-Lambert. Mine du roi d'Espagne. L'insurrection, l'ardeur poétique, thème du printemps des poètes 2018, y est constante, toujours à la lisière, toujours dans un imprévisible bondissant. Lieu de jeu, ça commence à 17h10 avec le prologue devant la galerie Saint-Thomas. Je ne vous dis pas toutes les heures, c'est environ toutes les demi-heures. Il y a les titres sont quand même le prologue, justement à la recherche des mines perdues. Le 14-18, à 17h40, je donne déjà les horaires, les premiers horaires, et l'usine à merde, ouais, parlons pas moins, c'est plutôt allusion à AZF, il y a quelques années. Puis ça c'est devant la galerie Saint-Charles, à 17h40, sus au grognon, sur l'espace central, près du chapiteau restauration, à 18h10, c'est l'attaque de la centrale nucléaire, à ne pas rater, c'est juste avant l'apéro, ça d'ailleurs, qui a lieu sur l'espace central, là-haut, enfin, centrale en haut. Eldorado, cinquième scène, Eldorado, justement, avec un radeau, sorte de radeau de la Méduse, devant la galerie Saint-Charles, 19h10, là, vous ne retiendrez pas, mais ça sera marqué sur les programmes. Le final, sur l'espace central, à nouveau, près du chapiteau restauration, à 20h10. 8e séquence. Prologue à nouveau de deuxième édition devant la Galerie Saint-Thomas, la première quand on arrive, Galerie Saint-Thomas, à 20h50. Sus au grognon, donc à la centrale nucléaire, à 21h10, près du chapiteau restauration. Et Eldorado, là, une légende des mines. Oui, j'ai oublié de parler de la légende des mines, qu'on retrouve une première fois. C'est la légende de la fille des mines que l'on donne à à 19h50 aussi devant Saint-Thomas. Donc, mais là, c'est à nouveau à 22h15, une suite, Eldorado, 22h15, la légende et le final. Alors là, on n'a pas précisé l'endroit, c'est dommage, mais c'est sûrement dans l'espace central, en haut. Voilà. Et donc une reprise. Et tout ça est entrecoupé par des lectures de Simon de l'Étang, nouveau directeur du Théâtre du Peuple. Bien, alors on vous donne rendez-vous demain à partir de 17h, Haute Mine du Tillot. Samedi touche déjà à sa fin et voilà que dimanche arrive. Avant toute chose, dimanche et lundi, toute la journée a lieu l'événement Cosplay in Wesserlin dans les jardins de Wesserlin, bien entendu. J'ai eu Justine Ballant, la chargée de communication avec moi en phoneur. Alors, je vous laisse l'interview que j'ai faite avec elle. Ce dimanche 20 et lundi 21 mai auront lieu à Wesserlin, dans les jardins plus précisément, une convention cosplay qui en arrive, si je ne me trompe, à sa 3e édition. Et pour vous informer de cet événement, je suis à l'antenne avec Justine Ballant qui travaille à la communication. Alors bonjour Justine, et est-ce que vous avez assisté à la convention depuis ses débuts ? Eh bien malheureusement non, je n'étais pas encore au parc de Wesserlin à cette époque, mais maintenant, alors si je peux me permettre, c'est la quatrième édition cette année. Déjà oui, ça passe vite, c'est ça. Et donc pour la première fois d'ailleurs cette année, on va faire la convention sur 2 jours. Donc les 3 dernières années, on a toujours fait une journée de cosplay. Et là, vu qu'on est au parc de Wesserlin dans l'année du Japon, hein, c'est le thème de notre année, de nos expositions et de nos événements, on a décidé de faire un petit clin d'œil Japon durant le cosplay, parce que ça s'y prête très bien, et de faire 2 jours d'animation autour de tout ça. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler le programme de ces 2 journées ? Bien sûr. Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cosplay, hein, ça peut encore arriver. Donc la notion de cosplay, c'est en fait le fait de donc le mot cosplay vient de costume et de playing, donc le fait de se costumer afin d'incarner un personnage de fiction, que ce soit des mangas, des comics, un film ou même des bandes dessinées. Et le principe du cosplay est vraiment de créer de A à Z et à la main ce costume à l'effigie donc d'un personnage qui n'existerait que dans la fiction. Donc c'est un défi plutôt conséquent. Et on va, durant 2 jours, faire pas mal d'animations autour de ça, sachant qu'il y aura vraiment beaucoup d'univers divers et variés qui seront développés. Donc comme je l'ai dit, l'univers du Japon, bien évidemment le cosplay, mais également d'autres univers un peu geeks avec des combats au sabre laser, il y aura du spectacle de magie, il y aura également de la danse, des défilés, des démonstrations de shows steampunk, enfin vraiment, il y aura énormément de diversité. Oui, et dites-moi, donc on a parlé de un petit peu des événements, mais comme vous l'avez dit, hein, c'est la 4e année que Wesserlin organise une convention cosplay. Pourquoi en fait, à l'origine, avoir eu l'idée de faire une convention comme ça ? Alors nous, donc le parc de Wesserlin, nous étions à l'époque une grande manufacture textile. Donc notre identité, c'est vraiment l'histoire textile, c'est l'histoire du lieu de Wesserlin. Et on a toujours développé des expositions, des animations autour du textile, du costume, de la mode. Et le cosplay s'inscrit complètement dans cet univers, avec le côté un petit peu fiction, fantastique, et puis ça s'adresse aussi à un public assez jeune, donc on avait aussi besoin de répondre à de nouvelles envies par chez nous, ramener un peu de jeunes qui ont toujours envie de s'investir dans des costumes, dans du textile, et voilà, c'est comme ça que nous est venue l'idée, et aussi principalement parce qu'on souhaitait avoir des défilés chez nous. Ouais. Des défilés de costumes en cosplay ? Tout à fait, tout à fait. Des défilés en tout genre, que ce soit mode, que ce soit costume, le cosplay était une bonne occasion de remettre ça dans notre dans nos propositions d'animation. Et quelle est généralement la comment dire la fréquentation habituelle à cette convention? Alors donc avant, comme je vous l'avais dit, on a toujours fait ça en une journée. Après, il est vrai qu'au parc, nous dépendons bien évidemment de la météo, donc dans une belle journée, on peut avoir plusieurs milliers de personnes qui arriveront au parc de Vesserlin. Je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais voilà, nous, si on a déjà 1000 personnes qui sont venues pour cet événement, c'est déjà très bien. Ça reste une convention très chaleureuse et familiale. Pour vous dire, par exemple, pour ces deux jours de week-end, nous aurons déjà une cinquantaine d'exposants, un jury également, puisqu'on propose bien évidemment un concours de cosplay, la base hein, de la convention cosplay. Et dans le jury, il y a déjà 5 personnes, et dans les concours, on en aura aussi une bonne quinzaine. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de monde, et pour les visiteurs, et bien on espère aussi que la météo sera avec nous. Oui, et est-ce que vous avez dit la fréquentation que vous attendez cette année? Parce que vu que c'est sur deux jours, ça fait voilà. Plus de monde. Exactement. On espère avoir au moins 2000 personnes pour ces deux jours. Donc, à voir si tout se passe bien, s'il y a du soleil. Alors, on ne fait que de regarder la météo depuis plusieurs jours parce que à cette période de l'année, et notamment en Alsace, ça peut être très changeant. On peut nous annoncer de la pluie et avoir un grand soleil quelques minutes après. Donc pour l'instant, on est un peu mitigé. Ça a l'air d'être pas trop mal, ça a l'air de bien s'annoncer, mais on espère. Voilà, on croise les doigts. Et on croisera les doigts pour vous, mais de toute façon, Radio Gemuzo sera sur place et ira prendre certainement quelques petits enregistrements. En tout cas, ce sera moi. Donc pour les auditeurs, si vous voulez un compte rendu, vous inquiétez pas, je m'en occuperai. J'ai encore deux, trois petites choses à demander. Justine, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a des exposants. Il y a quoi comme genre d'exposants à cette convention ? Alors là, c'est pareil, on essaye aussi d'aller dans plein d'univers. Alors il y aura par exemple des exposants qui seront plus dans l'univers de l'illustration, donc des illustrateurs qui pourront présenter leur travail et pourquoi pas le commercialiser. Également de la littérature, du fantastique, un peu d'univers geek. Hein. On aura même un coin rétro gaming proposé dans nos animations. Également des boutiques en lien avec l'univers du Japon, donc des bijoux, des créations en tout genre, textiles, des espaces animés avec par exemple la démonstration d'un costume et d'un corset sur deux jours. Enfin voilà, il y aura vraiment de quoi admirer un travail, de quoi acheter des petits objets, des petites choses assez sympas et assez différente de ce qu'on aurait l'habitude de voir et surtout unique et fait main, parce que voilà, on met vraiment en avant l'artisanat et l'aspect artistique de cet événement. Et dites-moi, où se déroulera cette convention? Est-ce que c'est comme il y a deux ans au niveau de la Grande Chaufferie? Absolument. Donc voilà, quand on parle du parc de Vesserlin, c'est vraiment un site dans son ensemble, dans lequel il y a un musée, des jardins et notre grande chaufferie, donc qui était à l'époque la centrale thermique de l'industrie textile. Et donc on aime beaucoup travailler avec la grande chaufferie pour le cosplay, parce que à la fois à l'intérieur, c'est assez fantastique, assez mystérieux, et on peut y faire de super démonstrations, donc tout ce qui est spectacle et défilé. Et tout autour de ce bâtiment, on aura donc bien évidemment les cinquantaines de stands d'artisans. Bien entendu. Et comme on parle de stands et comme c'est pour deux jours, après tout, il ne faut pas oublier que, j'imagine, les participants auront peut-être faim ou soif. Il y aura buvette et restauration sur place? Absolument. On aura tout ce qu'il faut pour nourrir nos visiteurs. Donc, petite restauration avec vraiment des petites choses à grignoter, des bretzels, une buvette, mais également un restaurant éphémère qui viendra tout spécialement pour l'occasion avec des produits japonais. Toujours pour rester dans le thème du parc de Vesserlin cette année. Et on a vraiment de la chance parce qu'il y a un tout nouveau restaurant qui ouvre dès demain, donc demain midi. On l'appelait à l'époque la brasserie de Vesserlin et ça devient la fabrique. Donc tout nouveau gérant, tout nouveau menu, nouvelle déco, et ce sera l'occasion d'y aller y manger aussi ce week-end. Eh bien, merci beaucoup pour ces infos. Et avant qu'on se dise au revoir, est-ce que vous pouvez peut-être préciser à nos auditeurs, vu qu'ils se posent certainement la question, du prix d'entrée à la convention? Bien sûr, bien sûr. Alors justement, c'est très bien qu'on en parle maintenant, parce qu'en fait, il y a une billetterie en ligne qui propose des tarifs inférieurs aux tarifs sur place. Donc si vous achetez vos entrées en ligne, pour un adulte, ce sera 6 euros au lieu de 7. Il y a même un forfait de jour, hein. Vous pouvez venir pour les deux jours à 11 euros au lieu de 2 fois 7, donc au lieu de 14 euros sur place, c'est quand même super intéressant. En effet. Pour les enfants et également les étudiants, c'est le même prix, ce sera 3 euros en ligne et 3,50 euros sur place. Et pareil, il y a toujours la possibilité d'avoir un forfait de jour en ligne uniquement, donc pour les étudiants et les enfants de 6 à 18 ans, ce sera 5 euros. Très bien. Et quel est le lien pour la billetterie en ligne pour ceux que ça intéresse? Bien sûr. Alors, c'est www.billetweb.fr/cosplayin. Alors, COSPLAYIN-Vesserlin-2018. Sinon, on tape billet web sur Google et cosplayin Vesserlin et je pense qu'on le retrouvera facilement. Et l'idéal serait même encore d'aller sur la page Facebook de l'événement qui explique vraiment tout en détail. Bien entendu, je rappelle que la page Facebook de l'événement s'appelle Cosplayin Vesserlin, donc COSPLAY apostrophe IN, c'est ça, et Vesserlin, bah, comme Vesserlin, WE2SERLING, je crois, si je ne me suis pas trompée. C'est ça. Très bien, bon, je vous remercie beaucoup Justine pour ces informations. Donc, je rappelle encore une fois, dimanche et lundi, donc 20 et 21 mai, toute la journée sur le parc de Vesserlin, une convention cosplay. Vous êtes les bienvenus, hein, curieux comme cosplayer. Il y aura certainement le moyen de faire de très belles rencontres et de prendre de très jolies photos. Tout à fait, je ne peux que confirmer. Très bien. Bon, bah, je vous remercie, Justine. Merci de votre participation. Et puis. Merci à vous. À une prochaine, j'espère. Eh bien, à ce week-end de cosplay, j'ai envie de dire. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Quand on dit cosplay, on dit art, mais une autre forme d'art aussi, le 20 et 21 mai, vu que le Cosplay in Vesserlin, c'est le 20 et le 21. Autre événement, je le disais, dimanche et lundi, à la salle des fêtes de Saint-Michel-sur-Meurthe, de 10h à 17h, a lieu une exposition des élèves de l'atelier de Brigitte, et l'entrée est tout à fait libre. On n'a pas encore parlé de sport et pourtant dimanche c'est souvent le jour du sport. On va parler avant toute chose de cyclisme avec la Bresse qui sera cette année le village départ et arrivée de l'étape du Grand Trophée de France. Ça se passe de 8h à 18h à la Bresse. Et pour ceux qui ne sont pas cyclisme, mais plutôt course à pied, il y a le footing multicolore solidaire à Épinal. Et j'ai pour cela une Nathalie Mougel de la Fédération médico-sociale en Fauneur pour vous donner plus d'informations sur cet événement. Comme je viens de le dire à l'instant, ce week-end à Épinal aura lieu un footing coloré de 13h à 19h plus précisément. Et pour en savoir plus, j'ai pour vous Nathalie Mougel au téléphone de la FMS qui fait partie de l'organisation. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le principe du footing coloré? Alors, le footing multicolore solidaire, qui fait FMS à la fin, est un parcours, je dis bien un parcours parce que on peut le faire en marchant, en courant, en joëlette ou en fauteuil roulant, qui fait environ 5 à 6 km de distance dans le centre-ville d'Épinal. Et il a la particularité que tous les kilomètres, il y a une poudre colorée, donc la fécule de maïs 100% naturelle, qui est projetée sur les coureurs en fait. Et à la fin, donc ça se termine par un concert où il y a le lancer final avec les participants qui, cette fois-ci, eux, jettent la poudre. Et donc voilà, ça vient d'une fête indienne, c'est la journée du pardon. Donc c'était une belle signification, une belle journée à passer en famille, en amis ou entre collègues. Voilà. En effet, et vous êtes de la FMS, donc je rappelle que ça veut dire la Fédération Médico-Sociale. Donc j'imagine, vu que la FMS est dans l'organisation, c'est que cet événement a un but ou est dans le, comment dire, dans l'optique d'une action caritative. C'est cela. Alors du coup, il y a deux facettes pour cette année. C'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices qui sera récolté à la fin de la manifestation avec les entrées, la restauration, sera reversé pour des projets pour l'accessibilité à la culture, au sport et à l'art pour les personnes que l'on accompagne, c'est-à-dire plus de 11 000 personnes sur le département. Donc des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes et des personnes en insertion. Donc voilà, et la deuxième facette, c'est cette année, il y a des bonbons de la confiserie des Hauts-de-Vosges qui seront vendus en stand et l'ensemble des bénéfices de ces ventes seront reversés pour la totalité à une association qui est Marjorie pour fait. Et voilà. Quelle est cette association? Alors cette association, donc c'est une association qui est soutenue par la Massif Prévention et c'est une maman qui a besoin de faire reconstruire ses mains en fait. Ah oui, en effet, donc c'est pour l'aider. Et voilà. L'événement, donc le footing ou l'événement coloré, c'est ouvert à qui? Ah, c'est ouvert à tous, bien sûr. Par contre, les enfants à partir de 4 ans. Voilà pour des questions de sécurité au niveau de la fécule de maïs. Bien entendu. Et puis, les personnes qui sont asthmatiques, c'est pas trop conseillé non plus. Mais autrement, c'est ouvert à tous. Et c'est ce qui fait la beauté de cette journée, c'est que tout le monde partage ce moment ensemble sans regarder la couleur de peau de l'autre, savoir s'il parle français. Voilà, toutes les barrières et toutes les discriminations, tous les jugements tombent. Au moins pour une journée, grâce à cette poudre de couleur, voilà. Donc c'est un peu fantastique, voilà. La première édition, on a dit bon, on tente le pari, ça a l'air d'être joli, et ça a vraiment fonctionné. Donc on a continué la deuxième année, et la troisième année, on s'est dit bah voilà, il faut qu'on continue à réunir et à rassembler autant de personnes sur un même lieu, dans une même ambiance, et à faire la fête, quoi. En effet, et qui dit bien entendu but caritatif dit collecte de fonds. J'imagine pardon qu'il y a déjà un tarif d'entrée à payer. Oui, alors c'est 13 euros pour un adulte, 10 euros pour un ado, donc 18, 17 ans, et un tarif enfant qui est de 5 euros pour les moins de 10 ans. Et ce tarif, c'est le droit d'entrée, donc il faut savoir que c'est un sac à dos, un t-shirt, une paire de lunettes de soleil, un tour de cou, un bandana tubulaire, une bouteille d'eau, une offre à orange bleu avec un pass d'essai. Et également, il y aura des ateliers prévention, mais de façon ludique, avec une voiture tonneau, un scooter choc, plein de choses comme ça. Des concours avec l'orange bleu, il y aura un échauffement Zumba en fauteuil et debout, et puis un échauffement de l'orange bleu, et il y aura un concert à la fin également, et un parc de structures gonflables. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des horaires, je crois. L'événement se déroule tout l'après-midi du dimanche, c'est ça? C'est ça. Alors l'ouverture est à midi pour retirer les packs d'entrée, donc de midi à 15h. Donc on est assez pointilleux sur le 15h parce qu'on a les bénévoles qui sont à l'accueil qui aimeraient faire la course, donc voilà qu'on leur laisse aussi la possibilité de le faire. Et après, à partir de 15h, c'est l'ouverture vraiment de l'échauffement, d'une démonstration de danse par des personnes qui sont déficientes intellectuelles. Ils vont faire du air guitare sur trois morceaux qui vont pulser avec du ACDC, voilà. Quelque chose qui va réveiller. Mmh. Et puis, donc, il y a un DJ qui met l'ambiance également. Et après, à 16h, c'est le démarrage de la course. Et on va dire 17h30. Qui dit course dit forcément distance. Alors, de quelle distance est-elle cette course? 6 km. Donc, c'est une boucle de 3 km que l'on que l'on fera deux fois. Donc cette boucle a été réfléchie par la mairie et les services de la police municipale pour être en totale sécurité pour les participants. Oui. Donc c'est pour le footing coloré, je le rappelle, à Épinal ce dimanche. Pour en savoir plus, j'imagine qu'il y a d'autres infos sur internet. Et si quelqu'un a envie d'en savoir plus que ce que je vous ai posé comme question, Nathalie, quels moyens ont-ils d'avoir plus d'informations? Alors soit sur la page Facebook qui s'appelle Footing Multicolore Solidaire de la FMS. Ou soit ils peuvent me contacter par téléphone au 06 09 85 30 79. Eh bien, c'est noté. Je vous remercie beaucoup, Nathalie. Je vous souhaite une très bonne course, un très beau footing multicolore solidaire. Et j'espère qu'il y aura du monde à votre événement. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous remercie beaucoup de votre contribution dans nos micros. Je vous remercie à vous. Au revoir. Au revoir. Dernier événement pour dimanche, un concert cette fois chez Narcisse au Val d'Ajol bien entendu. Acme et Punish Yourself et bien entendu Dog and Style vont faire un concert. Les billets sont possibles en réservation ou il est possible aussi de les acheter sur place et le tarif est de 20 euros. Et voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez bien noté toutes ces dates à retenir. En effet, il y en a beaucoup. J'espère que votre choix est fait pour vos activités du week-end. De mon côté, c'est chose faite. Mais avant qu'on se dise au revoir et que le week-end commence, pour moi aussi, c'est déjà le moment d'annoncer le programme pour se dire au revoir. Donc juste après, à 19h, ce sera la première émission de l'Action Slam organisée par la radio. Mais je pense que vous en avez très bien entendu parler et pour plus d'infos, c'est sur la page Facebook. Puis à 21h, c'est Vivre et Créer la Montagne avec Vincent. Je vais y arriver. Ça y est, c'est l'heure pour moi d'être en week-end. La prochaine émission, c'est demain, c'est la mienne, rediffusion de 7h à 8h, rediffusion de ce billet de sortie, qui pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre jusque demain ou qui auront loupé la rediffusion, bien entendu l'émission sera en podcast sur la page radioguemoso.eu dans la rubrique L'heure des loups et aussi sur la page Facebook de la radio. Puis à 8h30, ce sera les Vosges samedi avec Hélène de RCN. À 10h jusqu'à midi, ce sera Musette Partie avec Cyril Renaud. Et le programme du dimanche, je vous le laisse, il est sur le site de la radio. En attendant, j'étais très très contente de faire ce premier billet de sortie en espérant que les suivants soient moins chaotiques, mais j'imagine que vous avez quand même pu ressortir beaucoup, beaucoup d'informations. En tout cas, c'est tout pour nous. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouvera non pas lundi parce que c'est férié, mais mardi à 18h pour au moins un compte rendu de la convention Cosplay Investerlin. Je vais y arriver. Voilà, vous êtes certainement en week-end. Je pense que c'est l'heure pour moi aussi de mettre en week-end. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Passez une très très belle soirée et à mardi sur Radio Guémozo. Thank you.